Le rien que je fais est une chose imprenable, comme cet imprenable caillou de granit au milieu d'une pièce, comme des corps sans tête. 51 corps, la tête arrachée par des obus, 51 Albanais et leurs 51 mâchoires, arrachées. Vous ne pouvez avoir les corps maintenant, revenez plus tard. Il n'y a plus de mâchoires, ils n'ont plus de gorge. Il y a des corps morts, de la chair sur des os. Il y a des corps d'hommes mythiques, de marbre, de granit. Il y a des corps d'Aphrodite avec ou sans leur tête, de la chair de calcaire, de granit. Il y a la pensée des hommes qui sculptaient dans la pierre ces corps magnifiques. Magnifiques comme un pléonasme, un fantasme. Il me manque la pensée de ces hommes qui inventaient des dieux comme il manque des têtes de marbre, des membres, des épaules, des nez, des abdomens. Il manque 51 Albanais même si on redonne les 51 corps sans tête. Thank you.